Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Nous sommes le 30 novembre 1948 et, comme chaque année depuis 1946 et pour de nombreuses années à venir encore, la Tribune de Paris, sur la chaîne nationale, rend compte du phénomène bien français de cette saison, l'automne, celle de l'attribution des prix littéraires, bien sûr. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Hier a été attribué le prix féminin. Lundi prochain seront décernés les prix Goncourt et Théophraste Renaudot. La semaine suivante, le prix Interallié, et nous ne parlons ni du prix du Quai des Orfèvres qui a dû être décerné aujourd'hui, ni du prix Denis Clairoin, ni du prix de la Côte d'Amour, fixés à la semaine prochaine. Cette surabondance, cette prolifération des prix, sert-elle vraiment la cause des lettres? La question se pose. Nous la posons ce soir à quelques écrivains et critiques, dont certains ont été les lauréats de ces prix, dont d'autres figurent dans leur jury, dont d'autres encore ont pu à la fois et la même année en décerner et en recevoir. Autour du micro sont réunis Francis Ambrière, Marcel Arlan, Jean-Jacques Gauthier, Paul Guth et Robert Quinte. Paul Perronnet va mener le débat. Nous voici donc entrés depuis hier dans la, dans la période, ça sera plus simple, des prix littéraires, car on ne sait plus s'il s'agit d'une semaine, d'une quinzaine, d'un mois ou même de davantage. Il y a eu hier le Fémina, il y aura bientôt le Goncourt, il y aura ensuite toute une séquelle de prix secondaires ou plus importants, je ne sais pas. Il y a en tout cas un phénomène qui demeure et qui est, je crois, assez nouveau, c'est précisément cette prolifération, cette inflation de prix décernés à des œuvres littéraires. Et je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a là véritablement un signe de vitalité pour notre littérature ou si c'est plutôt le processus inverse. Jean-Jacques Gauthier. Oui, évidemment, il est toujours délicat à quelqu'un qui a bénéficié d'un bienfait d'avoir l'air de vouloir en écarter les autres et les empêcher d'en profiter. Enfin, j'ai le sentiment que, à l'heure actuelle, il y a une multiplicité dangereuse dans ce domaine et qu'à mesure que ces prix se foisonnent, la valeur même de ces prix diminue. Autrement dit, j'ai le sentiment qu'il faudrait plutôt, sinon essayer de les raréfier, tout au moins en distribuer un peu moins si on veut que ceux qui les obtiendront bénéficient réellement du prestige accordé à chacun d'eux. Marcel Arlan ? Eh bien, n'est-ce pas, je pense qu'il y a deux solutions possibles. Ou bien aucun prix littéraire. Et ce serait très admissible. Seulement, les conditions actuelles du marché littéraire, c'est-à-dire de la vente des livres, la crise actuelle de la librairie, font, me semble-t-il, qu'il est souhaitable que les prix littéraires se multiplient. D'abord parce que plusieurs livres se trouvent ainsi appelés à l'attention du public, et puis parce que, quelquefois, l'erreur que peut commettre un seul prix est ainsi rachetée par d'autres jurys. Robert Quint. Écoutez, évidemment, je déplore comme tout le monde la dévalorisation, pour ainsi dire mystique, des prix littéraires, mais d'autre part, quand je considère que les jeunes gens bénéficient ainsi d'une publicité qui leur serait singulièrement mesurée si on laissait simplement la place dans les journaux que les rédacteurs en chef accordent à la littérature, quand je vois d'autre part que beaucoup de jeunes gens trouvent immédiatement un soutien faible, mais tout de même intéressant, pour leur vie et pour continuer leur travail, j'estime qu'on doit laisser aller les choses, n'est-ce pas, laisser faire et laisser passer. C'est un phénomène qui, peut-être un jour ou l'autre, se résorbera de lui-même du fait qu'il s'exagérera. Et j'en donne pour exemple ceci, c'est que lorsqu'on demande à un écrivain de faire partie d'un prix littéraire, d'un jury de prix littéraire, il me semble impossible qu'il refuse d'être le donateur de quelqu'un, une somme importante à de jeunes écrivains, et qu'il refuse aussi de prêter à ceux qu'il préfère un certain appui et qu'il les défende devant les autres confrères. Par conséquent, personnellement, moi j'accepte généralement d'être membre du jury, et je crois que cette multiplication des prix, malgré ses inconvénients, malgré ce qu'elle entraîne de dévalorisation, est une chose en somme assez bonne pour l'ensemble de la production littéraire. Vous voyez donc Jean-Jacques Gauthier dans l'institution même des prix littéraires, essentiellement un secours apporté à un écrivain. Oui. Un secours d'ordre financier. Je ne suis pas Jean-Jacques Gauthier. Oui, est-ce que c'est... Mais enfin, ça ne fait rien, je suis Est-ce que c'est vraiment là le fond du problème, le croyez-vous? Francis Ambrier? Eh bien, si vous me permettez d'intervenir à mon tour, je vous dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marcel Arlan, ni même avec Robert Quimpe, et je rejoindrai plutôt Jean-Jacques Gauthier lorsqu'il s'élève, raisonnablement d'ailleurs, contre la multiplication des prix littéraires. Marcel Arlan disait tout à l'heure, et c'est fort juste, qu'il est excellent qu'il y ait plusieurs prix, les uns pouvant corriger les erreurs ou les oublis des autres. Oui, plusieurs prix, mais pas une infinité de prix, parce qu'alors, De même qu'il y a sur le plan sportif un championnat et une Coupe de France. C'est ça. Parce qu'alors, vous disais-je, tout de même qu'il y a en Amérique du Sud des armées où tout le monde est colonel ou général, il n'y aura plus dans la littérature française que des prix de ceci et des prix de cela. Les prix se détruiront les uns par les autres, et d'ailleurs, ne croyez pas que le public s'y trompe, ni qu'il accorde à tous les prix la même valeur, ni que le prestige ou l'intérêt que les écrivains peuvent tirer de ces prix soit égal. Il y a un petit nombre de récompenses, dont le prix Goncourt est la première, dont quelquefois le prix du roman de l'Académie se trouve également paré, dont en tout cas un prix qui m'est cher, je l'avoue, puisque j'appartiens à son jury, le prix Théophras Renaudot. Ce prix donne lui aussi une grande audience et assure une grande estime de la part des lettrés, mais ces prix, dans leur principe, n'étaient pas destinés à donner quelques entrefilets de publicité gratuite dans les journaux. Ils étaient à l'origine, et le plus vieux de tous, le prix Goncourt, n'était pas destiné du tout à la publicité, il était destiné très modestement et très efficacement à donner de quoi vivre à un écrivain pendant quelque temps pour qu'il pût consacrer ses loisirs et la totalité de ses forces à la littérature. Mais de quoi vivre, ça s'appelait au début de ce siècle? Ça s'appelait, quand le prix a été fondé, 5000 francs. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on pouvait, pendant un an, s'abstenir de tout travail d'ordre utilitaire, mercenaire, et travailler à son œuvre. Donc vous rejoignez un peu l'interprétation de Robert Kemp. Finance d'abord, mais vous le précisez en rappelant l'historique même du prix Goncourt. Oui, mais si je dirais finance sans hystérie publicitaire. C'est-à-dire, travail sérieux dans l'ombre. Le premier prix Goncourt n'était pas un, qui a été celui de Francis de Miomandre, n'est pas un prix qui ait fait vendre ce livre, il s'en est écoulé 3000 exemplaires en 3 ans. C'est un prix qui a permis à Miomandre de commencer utilement, sérieusement et dans une demi-obscurité, une carrière qui depuis s'est parée de 100 livres charmants. Certainement, mais nous devons partir maintenant des faits sociologiques que nous connaissons. Oui. Il est certain que le fait que tel ou tel roman a reçu le prix Goncourt ou le prix Renaudot ou le prix Fémina se traduit par une montée en flèche de la vente, et c'est pour l'éditeur et probablement pour l'auteur aussi le phénomène essentiel, ne le croyez-vous pas? Pas dans tous les cas, mais enfin... Et puis pour les principaux, mais alors justement on pourrait répondre une chose à ce que disait Robert Kemp tout à l'heure. Il a protesté quand Ambrière a parlé d'entrefilet, mais tout de même, il y a ceci, c'est qu'à l'heure actuelle, la place réservée même dans la presse aux prix littéraires se restreint de plus en plus. On y attache de moins en moins d'importance en première page des journaux. Les articles sont de moins en moins longs. C'est pas le cas hier, parce que hier c'était le premier, mais vous allez voir dans les jours à venir. Oui. C'est Jean-Jacques Gauthier qui vient de parler, Paul Guth. Moi je me placerai, si l'on veut, un point de vue tout simplement et tout modestement démographique. La population du globe croît sans cesse. On nous dit, faites-nous beaucoup de beaux bébés. Eh bien, ces beaux bébés-là deviennent chauffeurs de locomotive, deviennent commis voyageurs, mais deviennent aussi écrivains. Tout le monde écrit, de plus en plus de gens écrivent, il faut donc récompenser de plus en plus de gens. Ça, c'est un point de vue quantitatif, alors que les prix sont par essence qualitatifs. Mais est-ce qu'il y aura plus de gens qui liront? Voilà le vrai problème. Mais oui, il y aura de plus en plus d'écrivains, de plus en plus de prix, de plus en plus de lecteurs, de plus en plus de tout. Robert Quimpe. Je protesterai un peu contre une remarque de notre ami Ambrière. Il vient de dire qu'à peu près tout le monde reçoit un prix aujourd'hui. Or, il sait comme moi que nous recevons comme critique environ 3000 romans par an et il n'y a pas encore 3000 prix. Le danger qu'il signalait est un danger très lointain. Oui, alors il faudrait arriver à 2999 prix. Oui. L'inflation... Je crois que si on faisait le compte, on s'apercevrait qu'il y a environ un millier de prix de toutes sortes en France. Nous ne sommes pas si loin de Kant. Mais ce n'est pas encore assez, il en faudrait 2000, 3000, et je proposerais même une espèce de croisade des prix. De même que sous la Révolution française, nos armées portaient les saines idées dans toute l'Europe, nous pourrions faire une croisade dans toute l'Europe en faveur de prix que l'on multiplierait, on formerait des espèces de colonies de prix. C'est très séduisant votre idée, mais vous y voyez quel intérêt, Paul Guth? Mais absolument, uniquement à point de vue démographique, de suivre la courbe de la natalité. Rendrons grâce à Dieu de ne laisser aucun homme de lettres qui ne soit pas titulaire d'un prix. Une fois, le mystère en pleine lumière, plus d'ombre, le projecteur sur tout le monde. C'est-à-dire l'ombre sur tout le monde. Oui, ça reviendra évidemment à l'ombre sur tout le monde. C'est Marcel Arlan qui prend la parole. Mais je ferai bien moi-même quelques réserves sur les prix, j'en ferai deux, n'est-ce pas? La première, c'est celle-ci. Il y a beaucoup de prix littéraires, les prix littéraires se multiplient, mais ils s'adressent presque tous aux romans, ils entendent presque tous couronner des romans. Et par cela même, les autres genres qui sont aussi importants que celui du roman, la poésie, l'essai, etc., n'est-ce pas, se trouvent un petit peu lésés. La seconde réserve que je ferai me semble au moins aussi grave, c'est l'action que les prix littéraires peuvent avoir sur les candidats. Je ne dis pas naturellement que tous les candidats soient dans la même situation et je sais que le plus souvent, le candidat accepte son prix littéraire sans avoir rien fait pour l'obtenir. Mais malgré tout, il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui sont des garçons charmants et très sincères, qui ont besoin ou d'argent ou d'être connus, ou bien leur éditeur ne les pousse pas, ne fait pas de publicité pour eux, et ils essaient de se débrouiller. Et vous savez très bien qu'il y a aussi des candidats, justement, qui mettent en branle leurs amis, leurs relations mondaines, leurs amitiés masculines ou féminines, et que ça crée une atmosphère vraiment déplaisante. Écoutez, Jérémy, permettez-moi de protester. C'est Robert Kemp qui prend la parole. Comme moi, que les coulisses veulent être envahies, mais que ce qui se passe sur la scène des prix littéraires, j'entends par là autour de la table des jurys, est extrêmement net et pur. Ah, tout à fait. Ce ripatouillage qui s'est fait avant la distribution du prix disparaît et s'évanouit, et que chacun de nous, lorsqu'il s'agit de mettre son bulletin de vote dans le chapeau ou dans le vase à fleurs, eh bien, suit exactement sa pensée, sa préférence et son esthétique. Oh, j'ai absolument cet avis. Je ne m'en prenais pas du tout au jury littéraire, mais simplement à l'action que ça peut exercer sur les candidats. C'est tout à fait différent. Paul Guth, je crois qu'il y aurait l'avis. Je crois qu'il y aurait peut-être un autre point de vue à considérer aussi, qui est le point de vue du cérémonial, de la fête. Dans une société qui devient de plus en plus accablée, de plus en plus triste, de plus en plus grise, où même les cérémonies religieuses ne sont pas toujours respectées, ne trouvez-vous pas très heureux qu'il y ait des cérémonies littéraires extrêmement belles, aussi éclatantes, des espèces d'apothéoses comme étaient, quand nous étions professeurs ou élèves, nos distributions des prix, précisément? Précisément, cher Paul Guth, en qui je reconnais toute la poésie et toute la fantaisie souhaitable, il n'y avait précisément qu'une distribution des prix par an, et par conséquent, vous apportez de l'eau à mon moulin. Il n'y avait qu'une seule distribution des prix par an, mais combien de prix étaient décernés depuis la classe enfantine jusqu'à la classe de philosophie? Alors décernons-les tous le même jour, et nous y gagnerons la paix le reste du temps. Et oui, dans toutes les provinces, et dans tous les collèges, etc. On pourrait distribuer les 10 ou 20 prix par province, par ville importante. Les prix de Lyon, ceux de Marseille, ceux de Dijon, etc. Ah oui, d'ailleurs, voilà une magnifique idée. Alors dans ce cas, j'aime autant vous dire que ce sont les lecteurs qui vous manqueront à ce moment-là. Oui, j'ai l'impression que tout ce que vous dites est extrêmement fin et séduisant, mais n'est peut-être pas particulièrement sérieux en ce moment. Robert Kemp, ajoutez une petite note sérieuse. Je suis tout à fait de l'avis de Marcel Arlan quand il demande une spécialisation des prix. Le roman nous envahit, évidemment, c'est toujours un roman qui a quelque chose. Je voudrais bien qu'il y eut un jury spécialisé dans la poésie, un jury ayant assez d'audience, ayant assez d'éclat, et j'en voudrais aussi, comme par exemple celui du prix des critiques dont nous sommes partis, lui et moi, qui donna le prix à des essais de critique et d'histoire, comme autrefois l'association de la critique couronnait un Rousseau, sa merveilleuse édition de Sainte-Beuve, etc. La spécialisation des prix serait extrêmement intéressante. Mmh. Il faudrait mettre un barrage contre le roman. Si vous me permettez, Francis Andrière, je voudrais vous dire que le vrai problème me semble être celui-ci. Alors, vous êtes tous à des titres divers des critiques. Le problème est de savoir, à votre avis, combien y a-t-il d'écrivains, ou combien y a-t-il d'ouvrages par an, qui méritent véritablement qu'on jette sur eux la lumière du projecteur, pour parler comme Francis Andrière tout à l'heure. Il me semble que c'est de ce chiffre même que devrait découler le nombre logique des prix littéraires. Cela dépend des années, mais il y en a une quinzaine. Uniquement pour le roman, une quinzaine. Oui, quatre ou cinq essais de premier ordre, et quelques poèmes. Quelques poèmes qui méritent qu'on les... Est-ce la vie de chacun, Francis Andrière? Eh bien, je crois que le seul intérêt des prix littéraires est d'être utile à ceux à qui ils sont décernés. Pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils soient peu nombreux. Car le phénomène que vous signalez tout à l'heure est exact. À l'origine, les prix étaient destinés à donner des loisirs à un écrivain par l'importance de la bourse qui leur était accordée. C'était le cas du Goncourt. Maintenant, aucun prix ne répond plus à cette condition et l'intérêt matériel de l'écrivain n'est plus dans la somme qui lui est allouée, sans quoi un prix comme l'Ernaudot, dont la bourse est nulle, ne serait pas recherché alors qu'il l'est très violemment. Le prix consiste maintenant dans l'audience que ce prix fait valoir à un livre, dans le tirage, dans le nombre de lecteurs et dans les droits d'auteur qui découlent de ce tirage. N'est-ce pas ? Eh bien, il est évident que parmi la quantité de prix qui existent, il y a peut-être 5 ou 6 seulement de ces prix qui font véritablement vendre un livre. En première, en tête, vient le Goncourt, ensuite s'inscrit le prix Théophaste Renaudot, puis le prix Fémina, puis le prix Interallié, et au mois de juin, le prix des critiques, qui, selon la nature du livre couronné, attire une plus ou moins grande clientèle à ce livre. Si vous allez au-delà de ce nombre, comme le disait très bien Jean-Jacques Gauthier tout à l'heure, la quantité des lecteurs n'étant pas extensible à l'infini, vous ferez que ces prix, que tout l'intérêt de ces prix, ne consistera plus qu'en quelques lignes dans les journaux, vous exciterez les fièvres et les vanités, les mauvais candidats dont parlait Marcel Arlan tout à l'heure, mais vous ne ferez rien de bon pour la littérature. Je crois que 5 ou 6 bons prix chaque année dussent des injustices être provisoirement commises, mais quand un auteur manque un prix une année, qui vous dit qu'il ne l'aura pas l'an d'après, pour un bon livre, ça s'est vu souvent. Si vous allez au-delà d'une demi-douzaine ou d'une dizaine de prix annuels, vous ferez des compétitions de vénité, vous ferez des fêtes solennelles ou non, comme disait Paul Guth, et même pas du tout solennelles si je m'en réfère à l'étymologie, mais vous ne ferez rien qui vaille pour la littérature contemporaine. Et les lecteurs ? C'est Robert Kem qui pose la question. Et les lecteurs, est-ce que vous trouvez tout de même que nous ne rendons pas, en donnant les prix, oui, un léger service aux lecteurs en faisant une discrimination entre ce qui est nul et puisque ce qui n'est pas tout à fait nul? Remarquez que si nous couronnons une quinzaine de livres dans l'année, à 300 francs par livre, ça fait à peu près 4500 francs que nous demanderions à un lecteur parfaitement persuadé de la validité de nos jugements. Eh bien, c'est 4500 francs que nous lui demandons de consacrer aux lettres. Ça n'est pas beaucoup, et en vérité, d'une manière générale, nous ne le trompons pas. C'est que 5000 francs, il ne les gaspille pas. C'est bien l'intérêt des lecteurs et quelque chose aussi. Reste, cher Robert Kerr, que vous enlevez aux lecteurs, et spécialement aux lecteurs français qui s'en montrent à bon droit féru, le droit de choisir par eux-mêmes. Dans c'est le fond, libraire, le meilleur prix littéraire, c'est celui que chaque lecteur isolé feuilletant des bouquins dans sa librairie habituelle, c'est ce prix qu'il donne en choisissant un livre parce que quelques lignes ou quelques pages lui en ont plu. C'est Francis Ambrière qui vient de parler, Marcel Arlan. Oui, naturellement, seulement c'est un lecteur un peu idéal dont vous parlez là, n'est-ce pas? La plupart des lecteurs n'ont pas le temps de feuilleter trop chez les libraires et ils se laissent guider ou bien en effet par le libraire qui choisit pour eux ou alors par la critique ou par les prix littéraires. Maintenant, je ne crois pas que la multiplication des prix littéraires diminue tellement l'importance des plus grands parmi ces prix, étant donné que le prix Goncourt aujourd'hui, le prix Fémina, le prix Renaudot, le prix de l'Académie, malgré la multiplication des autres prix, garde au moins le même nombre de lecteurs qu'autrefois, sinon davantage. Paul Guth ? Eh bien écoutez, moi je crois qu'il faudrait laisser les choses en l'état, laissons la bonne nature, la bonne sagesse agir tout doucement, et si vous voulez, gardons le nombre des prix tel qu'il est cette année. Francis Ambrière, Marcel Arlan, Jean-Jacques Gauthier, Paul Guth et Robert Kemp ont discuté quelques aspects de la multiplication des prix littéraires. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal Parlé de la radiodiffusion française. Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment. Cette Tribune de Paris, présentée par Paul Perronnet, a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 30 novembre 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.